Le loup solitaire de Louis-Joseph Vance. Chapitre 1. L'hôtel Troyon. C'est à coup sûr Bourque qui a émis le premier cet aphorisme. On a beau connaître son chemin dans Paris, on ne s'y retrouve plus quand on cherche celui de l'hôtel Troyon. Mais aussi, Bourque s'enorgueillissait d'être irlandais. L'hôtel Troyon occupait un coin parmi un labyrinthe de petites rues, bien à l'abri des boulevards Saint-Germain et Saint-Michel tout voisins, et ce fut jadis un restaurant fameux dont la renommée ne franchissait pas le cercle étroit d'une clientèle d'initiés. Il y avait la meilleure cuisine de Paris, une cave sans rivale, des prix dérisoirement bas. Mais le bête d'équerre l'ignorait. Et ses familiers s'en réjouissaient. À leur avis, c'eût été un malheur que de lâcher sur un établissement aussi parfait les flots de touristes qui déshonorent sur la rive droite tous les sanctuaires de la gastronomie. L'immeuble, peint d'un brun terne, possédait 3 étages qui s'ornaient de persiennes vert foncé. Le restaurant occupait presque toute la façade du rez-de-chaussée. À une extrémité de sa rangée de fenêtres garnies de glace, une porte à 2 battants, nue et quelconque, s'ouvrait rarement, et on la remarquait encore plus rarement. Cette porte fermait l'entrée d'un large corridor à mur de pierre. Dans l'un de ces 2 épais vantaux de chêne, on avait pratiqué une porte plus petite pour la commodité des hôtes de la maison Troyon, qui par cette voie gagnait la cour, lieu à demi couvert, ombreux et frais par les jours les plus chauds. De la cour, un escalier de peu d'apparence s'élevait tant bien que mal jusqu'au 2nd étage, où il justifiait ses modestes prétentions. Car les 2 étages supérieurs de l'hôtel Troyon semblaient avoir été dessinés dans un cauchemar par un architecte qui aurait assisté à l'un des premiers vaudevilles du palais royal. Là-haut, un enchevêtrement moyenâgeux de corridors, long et bref, compliqué de nombreuses dénivellations inattendues, de marches, de recoins et de portes mystérieuses, allait dans tous les sens. Et comme il reliait tout compte fait 40aine de chambres à coucher, il vous menait immanquablement dans une autre chambre que la vôtre. Il n'existait ni salon ni salle d'attente, pas plus que la moindre salle de bain, et la seule eau courante provenait de 2 robinets de palier, 1 à chaque étage. Les hôtes de marque ou les exigeants avaient une lampe pour se coucher, les autres montaient avec des chandeliers. Ils ne se brûlaient de gaz que dans les corridors et dans le restaurant. Des papillons asthmatiques qui, crachetant bleu dans des globes obèses, translucides et jaunâtres, allaient bien avec la décoration et le mobilier datant du Second Empire, auxquels les uns avaient donné une patine moelleuse et plutôt foncée, car jamais rien n'était remis à neuf. Ce genre d'installation suffisait aux clients de la maison Troyon. D'abord, ils n'étaient guère nombreux, et ensuite, c'était presque toujours des bourgeois entre 2 âges, catégorie de gens qui détestent les nouveautés. Ils prenaient l'hôtel Troyon comme ils le trouvaient. Les chambres leur convenaient à merveille, et le tarif en était modéré. À quoi bon troubler par des changements la paix immémoriale de cet établissement de confiance si discret? On y faisait à peu près tout ce qu'on voulait, pourvu que l'on payât sa note avec une régularité suffisante et que l'on se graissait convenablement la main qui tirait le cordon aux heures tardives de la nuit. Le père Troyon appartenait à une lignée d'hôteliers et avait l'âme généreuse. Quant à madame son épouse, elle n'appréciait qu'une chose au monde, les louis d'or. C'est à la maison Troyon que par un soir d'hiver de l'année 1893 fut conduit l'enfant destiné à s'appeler par la suite Michael Lagnard. À cette époque, il devait avoir 4 ou 5 ans. L'âge où la conscience de la personnalité commence à s'éveiller et où la mémoire enregistre avec une irrégularité capricieuse. Il arriva à l'hôtel dans un état de surexcitation entraînant une réceptivité d'impressions quasi maladive, mais qui ne tarda pas à s'évanouir dans les profondeurs d'un sommeil sans rêve dû à une saine fatigue. Et quand par la suite il lui arrivait de jeter un regard en arrière, dans la brume des jours, dont chacun avait fait un appel distinct et impérieux à sa jeune sensibilité, il ne retrouvait plus que des souvenirs singulièrement ternes et imprécis. La première image distincte, c'est lui-même, personnage minuscule mais de toute importance, rancogné le cœur gros au fond d'un fiacre obscur. À côté de lui se tenait un homme qui marmottait des jurons dans sa moustache dès que les pleurnichements du petit menaçaient de devenir des hurlements authentiques. Cette étrange créature avait des sucreries plein les poches et traitait les petits garçons, en public avec une roideur autoritaire, en privé avec une humble complaisance. La pluie tombait, monotone, avec cette continuité mélancolique propre aux hivers parisiens, et le pavé des interminables rues inconnues ressemblait à du verre noir strié de lumière versicolore. Certaines de ces rues grondaient comme des bêtes affamées, d'autres, au contraire, se taisaient, mais leur silence n'en était pas moins menaçant. La pluie incessante crépitait sur le toit du fiacre et pleurait le long des vitres. À l'intérieur du véhicule, un relent de moisi luttait sans succès contre la puanteur asphyxiante du cigare que l'homme rallumait à tout coup et laissait aussitôt s'éteindre entre ses lèvres. Au dehors, les quatre fers du cheval, infatigables, battaient leur cadence morne, clopety-clop. Selon toutes ces impressions, se dissimulait quelque chose d'indéfinissablement attrayant, quelque chose de triste, de doux, de puissant, qui appartenait en propre à l'enfant lui-même, mais qu'il ne réussissait jamais à atteindre. Vers ce quelque chose, sa mémoire rampait à l'aveugle sur un pont étroit, comme le fil d'un rasoir interminable. Précédemment, il y avait eu, à moins que l'enfant ne l'eût rêvé, un long et fastidieux voyage en chemin de fer, succédant à un autre en bateau, plus bref, mais totalement odieux. Au-delà de ce point, la mémoire avait beau faire, elle ne discernait plus rien. Et l'enfant renonçait à ses efforts instinctifs, mais trop incohérents, pour retrouver son histoire. Sa vie quotidienne à l'hôtel Troyon lui fournissait d'ailleurs des sujets d'intérêt tyranniques et accaparants. Madame y veillait. Ce fut Madame qui s'empara de lui quand l'étranger l'eut attiré hors de la voiture, tout en pleurs, et qui l'emmena par une cour froide et humide, aux ombres lugubres, puis le fit monter à une chambre tiède et claire. Elle lui faisait peur, avec ses yeux ternes et ses envies poilues sur la joue, cette madame qui tirait de sa gorge de drôles de bruits lorsqu'elle parlait au petit garçon en présence de l'homme, des bruits qui voulaient être compatissants et maternels, mais qui, pour l'enfant du moins, signifiaient hélas le contraire. Puis le sommeil, envahissant une jeune tête couchée sur un oreiller trempé de larmes, l'oubli. Et c'était madame qui gouvernait d'une main de fer l'étrange nouveau monde dans lequel l'enfant se réveilla. L'homme était parti dès le matin, et l'enfant ne le revit jamais plus. Et comme ceux qui entouraient ce dernier ne comprenaient pas plus l'anglais que lui le français, il se passa quelque temps avant que le petit pût saisir les affirmations trompeuses de madame, lui disant que son père était en voyage, mais qu'il ne tarderait pas à revenir. L'enfant savait bien que l'homme n'était pas son père, mais quand il fut en état de faire cette rectification, la chose avait cessé de l'intéresser. La vie lui était devenue trop pénible pour lui laisser le temps ou l'envie de mettre au point des questions aussi secondaires et accessoires que celles de son ascendance. Le petit garçon apprit peu à peu à s'entendre appeler Marcel, ce qui n'était pas son nom, et il ne tarda pas à oublier qu'il en eût jamais eu un autre. Un peu plus âgé, il devint Marcel Troyon, mais à cette époque, il ne savait déjà plus parler anglais. Quelques jours après son arrivée, on le fit passer de la chambre tiède et claire dans un cabinet froid et sombre, donnant sur le boudoir de madame, une sorte d'armoire meublée d'une mauvaise paillasse et d'une chaise boiteuse, privée de tout moyen de chauffage et d'éclairage, et aérée uniquement par un vasistas au-dessus de la porte. Mais comme madame partageait l'horreur bien française des courants d'air et tenait en conséquence son boudoir hermétiquement clos les trois quarts de l'année, le vasistas n'arrangeait guère les choses. Néanmoins, ce cabinet constitua pour le gamin son seul refuge durant plusieurs années. Une fois dedans, seul, il était à l'abri des réprimandes et des bourrades que lui valaient des fautes dépassant sa compréhension. Mais jamais on ne lui accorda une bougie, et les ténèbres et la solitude en faisaient un lieu plein de terreur pour la nature émotive et l'imagination du jeune enfant. Il n'était toutefois pas trop mal nourri, et on ne pouvait guère lui refuser la consolation d'oublier sa misère dans le sommeil. Durant le jour, jusqu'à ce qu'il eût l'âge d'aller à l'école, il s'amusait craintivement dans les corridors avec des jouets de son invention, et le malheureux petit délaissé sentait le cœur lui manquer à chaque bruit de pas inattendu, car il dérangeait les femmes de chambre qui n'avaient rien de commun avec la servante au grand cœur des romans. Elle se plaignait de lui à madame, et madame venait bien vite lui tirer les oreilles. Il acquit bientôt une habileté quasi surnaturelle dans l'art de se rendre invisible à son approche, immobile comme la mort, ou se mouvant silencieusement comme une ombre. Maintes fois, elle arriva sur lui sans se douter qu'il était là, tapi dans un coin obscur. Et cela ne manquait pas de la mettre hors d'elle-même, de découvrir soudain en face d'elle, alors qu'elle se croyait seule, la mine terrifiée du gamin tremblant. S'il eut la chance d'aller un peu à l'école, ce fut uniquement parce que madame craignait beaucoup de rien faire qui pût attirer l'attention des autorités. Elle était une honnête femme, dans son opinion à elle, une honnête femme qui tenait une maison honnête. Malgré cela, elle redoutait les gendarmes plus que la colère de Dieu. Et un ukase gouvernemental avait décrété obligatoire un certain degré d'instruction. Aussi, Marcel apprit-il entre autres choses à lire, et par là, il fit sans le savoir son premier pas vers la rédemption. La lecture étant le seul amusement qu'on puisse pratiquer sans faire aucun bruit capable d'attirer fâcheusement l'attention, le gamin s'y adonna d'abord pour sa sauvegarde personnelle, mais elle ne tarda point à devenir une passion. Il lisait, furtivement, tout ce qui lui tombait entre les mains, un salmigondi baroque de journaux, d'hebdomadaires parisiens illustrés, de revues, de romans, le tout glané sur le reliquat des chambres des clients. Avant l'âge de 11 ans, Marcel avait lu Les Misérables avec un plaisir intense. Ses lectures, néanmoins, ne se bornèrent pas longtemps aux ouvrages en français. De temps à autre, un client laissait en partant un livre anglais dans sa chambre, et ces livres-là, Marcel les estimait plus que tous les autres. Ils lui semblaient, pour ainsi dire, faire partie de son héritage. En ce temps-là, il se qualifiait secrètement d'anglais parce qu'il savait n'être pas français. Cela, du moins, il se le rappelait. Il passait de longues heures penché sur les mots étrangers, si bien qu'à la fin, ils lui parurent moins étrangers. Et alors, un hasard lui mit entre les mains un petit dictionnaire anglais-français. Il fut à même de lire l'anglais avant de le parler. Souffre-douleur et marmiton en dehors des heures de classe, ayant pour compagnie les marmitons et leurs supérieurs immédiats, tirés de cette caste au langage libre et à la morale plus libre encore, qui fournit les domestiques des petits hôtels, Marcel, à 11 ans, pour autant qu'on peut évaluer son âge, possédait une connaissance de la vie à la fois précise, complète et déconcertante. Ce fut peut-être un bonheur pour lui qu'il vécut sans amis. Son type de la féminité s'incarnait en Madame Troyon, aussi ne s'approchait-il qu'à distance respectueuse de toutes les femmes de l'hôtel. Les domestiques mâles, il les supportait en silence, lorsqu'il voulait bien de lui, mais son caractère était si entièrement différent de tout ce qu'il connaissait que sa présence les irritait, ce qui l'exposait à des brimades assez analogues à celles que de grossiers paysans infligent à un idiot du village. Mais Marcel avait une langue habile à extraire du vitriol de l'idiome vulgaire, et il apprit à se défendre avec elle non moins qu'avec les pieds et les poings. Après quoi, on le laissa strictement seul, ce dont il se réjouit, car cela ne lui procurait que plus de temps pour lire et rêver à ce qu'il lisait. À 15 ans, il était devenu un grand adolescent efflanqué et gourd, au teint étrangement pâle, à la mine revêche, aux yeux pleins d'un feu sombre, à la tignasse ébouriffée faute de soins. Il paraissait beaucoup plus vieux que son âge, et la fragilité apparente de son corps dissimulait une grande force musculaire. Bien plus, il savait se défendre fort dextrement dans une querelle. La savate n'avait pas de secret pour lui, et il avait emprunté aux apaches des coups non moins efficaces que ceux enseignés par le manuel de jujitsu. Quant à Paris, il le connaissait comme sa poche, et il pouvait converser dans tous les argots divers de la capitale aussi purement qu'un indigène. À ses talents, il joignait celui d'être un fort adroit petit voleur. De jour, il remplissait les fonctions de valet de chambre au 3e étage. Le soir, il jouait le rôle de garçon de restaurant. Pour ses services, il ne recevait aucun salaire et pas plus de reconnaissance de ses patrons, qui eussent été sidérés d'apprendre qu'il favorisait l'esclavage. rien que sa nourriture et un lit dans une chambre un peu mieux aérée, mais à peine plus grande, que l'annexe du boudoir d'où on l'avait depuis longtemps délogé. Cette chambre était au troisième étage, sur le derrière de la maison, et jouissait d'une petite fenêtre donnant sur une ruelle voisine. Il était levé avant l'aube, et sa journée de travail finissait en principe à 10 heures du soir. Mais quand on jouait à l'Odéon, le restaurant restait ouvert jusqu'à une heure indéterminée pour le service des soupers. Une fois de retour dans son antre, et sa porte bien fermée au verrou, Marcel était libre de s'évader par la fenêtre et d'errer à son gré dans Paris. Ce fut surtout par ce moyen qu'il apprit à connaître la ville. Mais en général, Marcel préférait se mettre au lit et s'abîmer les yeux à lire à la lueur des bouts de bougies qu'il chipait. Ses livres, il les empruntait comme jadis aux chambres des clients, ou bien il les subtilisait dans les boîtes des quais et les revendait ensuite aux bouquinistes d'un autre quartier. De temps à autre, quand il lui fallait absolument recourir à l'achat pour se procurer un livre déterminé, les clients lui payaient à leur insu un nouveau tribut par les pièces de monnaie qu'il leur soustrayait. Mais le vrai Parisien sait, à un sou près, le compte de son argent, et cette particularité obligeait l'adolescent à pratiquer la plupart de ses raptes sur le client de passage de nationalité étrangère. Au nombre de ceux-ci, le plus connu chez Troyon était peut-être Bourque. C'était un petit Irlandais, remuant, trapu et agressif, qui avait pris l'habitude de venir se reposer chez Troyon chaque fois qu'une vacance loin de Londres semblait indiquée comme un remède salutaire pour un gentleman de son espèce, ce qui arrivait assez fréquemment, vu la nature de ses devoirs professionnels. Ayant fait presque toutes ses études à l'université de Dublin, Bourque parlait l'anglais le plus pur, ou du moins il le pouvait en cas de besoin, tout comme, avec sa facilité d'Irlandais à apprendre les langues, il avait acquis l'accent parisien au point de passer inaperçu sur les boulevards. Il avait l'œil prompt à remarquer les jolies femmes, le cœur grand comme une porte cochère, quasi pas de scrupules, un chagrin secret et une superstition favorite. La couleur de ses cheveux, d'un roux criard, causait son chagrin secret. Ce signe particulier le rendait reconnaissable entre mille. À plusieurs reprises, il avait fait des efforts désespérés pour modifier cette couleur. Mais la seule teinture un peu efficace produisait un noir de jais qui offrait un contraste abominable avec son teint très coloré. De plus, en moins d'une semaine, le roux se montrait de nouveau à la base des cheveux et lui donnait l'aspect d'un goré mal flambé. Quant à sa superstition favorite, c'était qu'aussi longtemps qu'il s'abstiendrait de pratiquer son métier dans Paris, Paris demeurerait pour lui une tour d'asile inviolable. Le monde devait à Bourque sa subsistance, ou du moins il le pensait, et il faut reconnaître qu'il prélevait sur lui sa dîme avec une régularité et un succès passables. Mais il exemptait Paris de redevances aussi longtemps que Paris lui offrait l'immunité de tout ennui. Non seulement Paris convenait tout à fait à ses goûts, mais il n'y avait pas au monde, dans l'opinion de Bourque, un lieu comparable à la maison Troyon pour la paix et la tranquillité. Aussi, en fidèle client, s'abstenait-il de faire l'essai des hôtels rivaux. Et chez Troyon, l'on attendait toujours Bourque pour la raison bien simple qu'il arrivait immanquablement à l'improviste, sans plus d'avis préalable que de cérémonie, pour y rester le temps qu'il jugeait convenable, tantôt un jour, tantôt une semaine, tantôt un mois, et partir de la même façon. Son rite au quotidien, suffisamment connu chez Troyon, ne variait guère. Il déjeunait au lit, vers 10h30, flânait dans sa chambre ou dans le café, si le temps était mauvais, ou se promenait paisiblement dans les jardins de Luxembourg, s'il faisait beau, dînait de bonne heure et solidement, mais toujours seul, et peu après, s'en allait en voiture vers quelques cafés renommés de la rive droite. De là, sans doute, il passait à d'autres lieux, car il n'était jamais rentré avant la fermeture de la maison, et les heures de son retour demeuraient un secret entre lui et le concierge. Avant de se coucher, Bourque vidait ses poches sur la table de toilette où le jeune Marcel, en lui montant son déjeuner le lendemain matin, voyait étaler une confusion tentatrice d'or, d'argent et de bronze, avec un matelas de billets de banque et un quelconque assortiment de bibelots personnels. Or, Étant donné que Bourque n'était jamais bien réveillé à cette heure-là, Marcel se retirait rarement sans emporter une pièce ou deux. Il eût été contraire à la nature humaine de résister à l'appât de cette table de toilette. Il lui restait encore à apprendre que Bourque, suivant la coutume des Anglais, ne se mettait jamais au lit sans laisser tout son argent de poche bien en vue et soigneusement catalogué dans sa mémoire. Un matin, au printemps de 1904, Marcel servit à Bourque son dernier déjeuner à l'hôtel Troyon. L'Irlandais avait passé la nuit dehors, et son ronflement rude s'entendait même à travers la porte fermée. Marcel frappa, et ne recevant pas de réponse, il usa de son passe-partout et entra. Là-dessus, le ronflement s'interrompit une minute. Bourque, visible tout d'abord sous les espèces d'une flamboyante mèche de cheveux émergeant des draps, glissa un œil par-dessus son horizon artificiel, l'ouvrit, marmotta une vague réponse au salut de Marcel et se remit séance tenante à dormir. Marcel déposa son plateau sur la table de nuit, puis alla sans bruit fermer les fenêtres et tirer l'un contre l'autre les rideaux de guipure. La table de toilette, située entre les deux fenêtres, présentait mêlée à l'argent et au bronze plus de pièces d'or que d'habitude. 18 ou 20 louis, peut-être en tout. Après avoir dextrement escamoté au passage une pièce de 10 francs, Marcel, joyeux, poursuivit son chemin, mit l'allumette au feu tout préparé dans la grille, et il allait gagner la porte quand, jetant par hasard un dernier coup d'œil vers le lit, il aperçut un singulier phénomène. Le ronflement continuait avec vigueur, mais Bourque le contemplait de ses deux yeux grands ouverts et pleins de curiosité. Suffoqué, et pour tout dire un peu indigné, le garçon s'arrêta comme sur un mot d'ordre. Toutefois, le premier instant d'émotion passé, ses jeunes traits se figèrent dans l'immobilité, mais ses yeux restèrent attachés sur ceux de Bourque. L'Irlandais, se relevant sur son oreiller, demanda et reçut la pièce de 10 francs, et poursuivit en réclamant au jouvenceau la restitution de diverses sommes s'élevant au total à plusieurs louis. Marcel, réfléchissant que le compte de Bourque était encore de quelques louis trop faible, n'hésita pas à s'avouer coupable. Interrogé, le délinquant déclara avoir pris l'argent parce qu'il lui en fallait pour s'acheter des livres. Non, il ne regrettait rien. Oui, il était probable que si l'occasion se représentait, il recommencerait. Averti qu'on voyait en lui un jeune criminel déjà endurci, il répliqua que s'il était jeune, ce n'était pas de sa faute. Avec les années et l'expérience, il ferait certainement des progrès. Intrigué par l'attitude du jeune homme, Bourque secoua sa rousse chevelure et demanda tout haut ce que dirait Marcel si l'on informait ses maîtres de ses rapines. Marcel parut désolé et déclara qu'une telle conduite de la part de Bourque serait évidemment déloyale. La seule vraie différence entre eux, d'après lui, c'était que là où il chipait un louis, Bourque en dérobait des 1000, et si Bourque s'obstinait à le livrer à la merci de madame et du père Troyon, il ne manquerait pas d'appeler un sergent de ville. Lui, Marcel, ne ferait qu'exercer de justes représailles en révélant à la préfecture de police tout ce qu'il savait sur le compte de Bourque. Ce n'était pas là une parole en l'air, et elle prit l'Irlandais au dépourvu. Décontenancé, il balbutia, demanda au gamin ce que signifiait cette diabolique impudence. Mais Marcel lui répondit tranquillement qu'on savait ce qu'on savait, et quand on lisait les journaux anglais dans le café, comme le faisait Marcel, on ne pouvait manquer de s'apercevoir que monsieur venait toujours à Paris après que quelque notable cambriolage avait été commis à Londres. Et quand on prenait la peine de suivre monsieur la nuit, comme Marcel l'avait fait, il devenait évident que les premières visites de monsieur dans Paris étaient invariablement pour l'officine du receleur bien connu de la rue des Trois Frères. Et, finalement, on tirait ses conclusions lorsque des étrangers dînant au restaurant, comme la veille au soir par exemple, des étrangers qui avaient tout l'air de détectives de la police anglaise, vous chapitrez au sujet d'une personne dont la description correspondait au portrait de Bourque et vous promettez un billet de 100 francs pour les renseigner sur les habitudes et les fréquentations de ladite personne, si on la voyait. Et comme Bourque haletait, Marcel ajouta que le gentleman en question n'avait parlé qu'à lui seul, en l'absence des autres garçons, et qu'il s'en était débarrassé à l'aide d'un mensonge. « Mais pourquoi ?» interrogea Bourque. « Pourquoi Marcel avait-il menti pour le sauver, alors que dire la vérité lui aurait rapporté 100 francs ?»« Parce que, » expliqua Marcel froidement, « moi aussi je suis un voleur. Monsieur comprendra que c'était une question d'honneur professionnel. » Les Irlandais ont leurs défauts, mais l'ingratitude n'est point du nombre. Tout en se hâtant de faire sa valise pour quitter Paris, la France et l'Europe par la voie la plus rapide, Bourque trouva encore le temps de questionner Marcel. Et ce qu'il apprit des antécédents du gamin se combina si bien avec la gratitude dans son esprit sentimental de Celte que 3 jours plus tard, lorsque le Carpathia de la compagnie Cunard quitta Naples pour New York, il emportait à son bord, parmi ses passagers de première classe, outre un gentleman que ses cheveux du plus beau noir et son teint rose vif rendaient un peu troublant pour sa propre tranquillité, un jeune garçon de 16 ans qui en paraissait 18. Le long du gentleman figurant sur la liste des passagers n'avait bien entendu rien de commun avec celui de Bourque. De même, son valet était inscrit sous l'appellation de Michael Lagnard. À New York, commença pour l'adolescent la seconde étape de son initiation au métier de criminel. Il aurait dû chercher loin pour trouver un professeur plus capable que Bourque. Mais il faut dire aussi, pour être juste, que Bourque aurait dû chercher non moins loin pour rencontrer un élève mieux doué. Sous sa direction, Michael Lagnard apprit beaucoup de choses. Il devint à la fois un mathématicien du plus brillant avenir, un mécanicien habile, un expert en plaques de blindage et en explosifs, considérés dans leur emploi le plus pacifique, et il apprit à évaluer les pierres précieuses du premier coup d'œil. De plus, comme Bourque était né de parents bien élevés, il apprit à parler l'anglais, à s'habiller convenablement suivant les circonstances et à se servir avec correction d'un couteau et d'une fourchette. Et parce que Bourque était un diplomate avisé, Marcel prit le pli d'être à son aise avec les gens de toutes conditions. Il finit par savoir qu'un millionnaire qui s'est fait lui-même, si on le prend comme il faut, est aussi maniable qu'un autre dont la fortune remonte à la 3e génération. Il sut commander un dîner chez Chéri, aussi bien que des boissons chez Charquet. Et, talent plus précieux encore, il apprit l'art de rire à propos. En fait de sous-produits, il acquit une teinture passable des argots américains, anglais et allemands, l'argot français étant déjà pour lui comme une langue maternelle, une connaissance géographique considérable des capitales de l'Europe, des États-Unis et de l'Illinois, Chicago, un goût capable de distinguer entre le vrai tabac et la drogue qu'on vend sous ce nom en France, et une authentique passion pour les bons tableaux. Pour finir, Bourque inculqua à son élève les 3 principes cardinaux de la parfaite pègre. Connaître son terrain à fond avant de s'y hasarder, exécuter son coup et battre en retraite avec la rapidité et la précision du faucon, ne pas avoir d'amis. Et ce dernier des 3 principes était le plus important. « Tu es un garçon d'avenir, » lui disait le professeur, si souvent que Lagnard ébauchait une grimace dès que cette formule préliminaire, « un garçon d'avenir », bien que la modestie m'obligerait à le taire. « Car c'est moi qui t'ai fait. Sans moi, tu serais depuis longtemps catalogué à la tour pointue et enrôlé avec la canaille de la santé. Et tu peux devenir un jour un opérateur de premier choix. Ce que je ne suis pas et ne serai jamais. Mais pour le devenir, il faudra te garder de 2 choses. Primo, la femme, et secondo, l'homme. Se faire un ami d'un homme exige qu'on s'abaisse d'un cran, ce qui d'ordinaire est funeste. Quant à la femme, rappelle-toi ceci, mon gars. Introduire l'amour dans ta vie t'obligerait à ouvrir une porte qu'aucune main humaine ne pourrait plus refermer. Et Dieu seul sait ce qui s'en suivrait. Si jamais tu constates que tu es devenu amoureux sans remède, renonce au métier sur le champ, où tu finiras sous la veste du forçat, celle que je porterai moi-même un jour, si cette maudite toux ne devait auparavant amener ma mort. Non, mon petit gars, suis mes conseils d'imbécile. Tu n'en auras jamais de meilleur. Et quand j'aurai disparu, ce qui ne tardera guère, je pense, prends la voie solitaire et tiens-en le milieu. Le proverbe dit vrai, on voyage plus vite quand on voyage seul. Mais il faut le compléter ainsi. Et en outre, on va plus loin. Pourtant, la voie solitaire a ses mauvais côtés, petit gars. On y est diantrement isolé. Bourque mourut en Suisse, de la poitrine, durant l'hiver 1910, assisté jusqu'au bout par Lagnard. Après quoi, le jeune homme se tourna vers le monde, seul et solitaire avec ses souvenirs.